Toute la semaine, nous nous souvenons donc qu'il y a 65 ans se tenait à Yalta la conférence du même nom dont les conclusions allaient longtemps peser sur l'Europe et le monde et nous nous intéressons donc à la question des partages du monde. Hier, nous nous sommes penchés avec Jacques-Alain de Sédouy sur l'histoire du congrès de Vienne et de ses suites ainsi que des procédures de discussion et de décision qui furent mises en place alors entre les puissances européennes. Demain, nous nous intéresserons aux différentes figures de Yalta depuis une soixantaine d'années. Et jeudi, nous nous demanderons comment le monde s'est partagé depuis les années 70 et la fin de la guerre du Vietnam en insistant sur les fameux G6, G7, G8 et maintenant G20. Et aujourd'hui, me direz-vous, eh bien dans le documentaire du mardi, nous allons évoquer la conférence de Berlin de 1884-85 et le partage de l'Afrique qui a suivi cette rencontre entre puissances européennes. Séverine Yatar et Véronique Savouilov se sont rendus au département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, rue de Richelieu, ou en compagnie de Camille Lefebvre et d'Isabelle Surin. Toutes deux africanistes, elles ont remis dans son contexte cette conférence de Berlin considérée traditionnellement comme décisive dans la création des frontières coloniales et nuancé peut-être son rôle à cette conférence dans le processus de partage du continent entre puissances européennes. Le partage de l'Afrique, la conférence de Berlin de 1884-1885 dans la Fabrique de l'Histoire jusqu'à 10h ce matin. Acte général dressé à Berlin le 26 février 1885. Au nom de Dieu Tout-Puissant, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., et roi apostolique de Hongrie, Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté le roi de Danemark, Sa Majesté le roi d'Espagne. Avant tout, président ici, des États-Unis d'Amérique, la paix et des président de la République française. Alors, Sa Majesté la reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, et l'impératrice des Indes. C'est peut-être parce qu'elle n'est plus vraiment chrétienne. Sa Majesté le roi d'Italie. C'est en trois temps que l'histoire a construit un grand peuple. Grand-duc de Luxembourg, etc. Et Sa Majesté le sauvage, roi sauvage, chrétien, etc. Français. Sa Majesté l'empereur de faut venir ici pour le comprendre. Et Sa Majesté l'empereur des Ottomans, voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'océan Atlantique. Et préoccupé en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l'invitation qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne, d'accord avec le gouvernement de la République française, de réunir à cette fin une conférence à Berlin. La conférence de Berlin, ou le partage de l'Afrique. Alors nous sommes avec vous, Isabelle Serin, vous êtes historienne, maître de conférence à l'université de Lille 3, et puis avec vous, Camille Lefebvre, vous êtes chercheuse, post-doctorante au CEMAF, qui est donc le centre des études du monde africain. Et donc nous nous trouvons dans la salle de lecture du département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, sur le site Richelieu, pour évoquer en fait le prétendu partage de l'Afrique qui serait subsaharienne, qui serait survenue donc lors de la conférence de Berlin en 1886. Alors, petite présentation, c'est une conférence qui a impulsé par Bismarck et qui va réunir pendant presque un an 14 pays qui sont donc l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, les Pays-Bas, enfin tous les pays européens, les puissances européennes de l'époque. Cette conférence va donner lieu à la signature d'un traité dont les deux objectifs consistaient à régler la liberté du commerce dans les bassins du Congo et du Niger et prévenir des malentendus éventuels et ultérieurs donc entre ces fameuses puissances européennes. Alors toutefois, la tenue de cette conférence, si elle ne partage pas l'Afrique, on va en discuter ensemble, témoigne quand même de l'entrée du continent africain dans le champ des préoccupations des puissances européennes à l'époque. Et puis elle témoigne aussi des outils qui vont être utilisés donc pour commencer à déterminer, définir des zones d'influence dans ce continent africain. Ces outils, ce seront les missions exploratoires, ce sont des expéditions militaires, des signatures de traités et des mises en carte de ce territoire assez méconnu à l'époque. qui va donc permettre un certain découpage de la fin du 19e siècle, mais au début du 20e siècle, et non pas immédiatement à l'issue de cette fameuse conférence, comme il a souvent été dit. Et donc, nous allons commenter ensemble, ici, dans cette salle de lecture, un certain nombre de cartes et de traités pour voir un peu comment à l'époque on appréhende et on apprécie ce continent africain et puis pour voir également comment on met en place des frontières dans un contexte donc de concurrence, hein, il faut le dire, entre justement les puissances européennes. Alors, juste peut-être Isabelle Serin, j'ai fait une petite présentation de cette conférence de Berlin, est-ce qu'on pourrait revenir quand même sur le contexte de l'époque, enfin peut-être la situation politique à la fois de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre, et puis de la Belgique, hein, avec notamment Léopold II, pour montrer un peu les relations aussi internationales, diplomatiques qu'il y a entre ces grandes puissances européennes. Oui, alors brièvement, effectivement, vous avez dit que c'est Bismarck qui est à l'initiative de cette conférence. L'intention de Bismarck est complètement européenne, et c'est effectivement la première fois qu'on voit l'Afrique entrer dans les négociations entre diplomates européens. Et il faut savoir que les diplomates européens ne connaissaient pas grand-chose à ces questions africaines, à ces espaces africains. Ils n'avaient pas une carte de l'Afrique en tête. Cette carte de l'Afrique, qui est la carte de Kiepert, du géographe allemand Kiepert, figurait en bonne place lors des négociations. Et elle était d'une aide incomparable pour que ces diplomates, qui un peu ignorants de l'Afrique, puissent situer les choses. Mais l'intention de Bismarck était quand même plutôt européenne. Hein, et Bismarck aurait dit effectivement à ses collaborateurs « Votre carte de l'Afrique est bien jolie, mais ma propre carte africaine se trouve en Europe. Voilà la Russie, voici la France, et nous au milieu, c'est ma carte d'Afrique à moi. » Donc en fait, cette conférence de Berlin consiste plutôt en un transfert sur l'espace africain d'enjeux propres au concert des nations européennes. Hein, et ces espaces africains vont se trouver investis d'enjeux qui ne les concernent pas du tout. La situation en Afrique proprement dite, à la date de la conférence de Berlin, et la suivante, c'est plutôt l'Afrique du Nord qui commence à être effectivement partagée, hein, avec le début du protectorat de la France en Tunisie en 1881-82, et puis de la Grande-Bretagne en Égypte au même moment. L'Algérie est déjà française depuis 1830, le Maroc, ça sera seulement en 1912, mais on voit que l'intérieur de l'Afrique commence tout juste à susciter l'intérêt. Les Français sont déjà, depuis les années 1880, en train de progresser depuis le Sénégal vers l'Est, en direction du Niger, dont l'idée était quand même, à terme, d'obtenir une jonction entre les possessions algériennes au nord du Sahara et puis les possessions sénégalaises. Mais aussi, le déclencheur, peut-être un des déclencheurs de cette conférence de Berlin, a pu être l'expédition de Stanley au Congo, hein, qui découvre tout à coup, dans son expédition 1877 à 1880, un immense bief navigable au centre de l'Afrique, entre ce qu'il a appelé les Stanley Pools et les Stanley Falls. Et alors, tout d'un coup, un espace navigable important s'ouvre. La première chose à faire est de créer des moyens de transport. Autrement, pas de succès possible. Le petit marchand, si énergique qu'il puisse être, ne peut rien d'efficace pour le bien d'un pays qui n'a pas de chemin, pas de rivière navigable et dont le climat n'est pas moins fatal aux portefeuilles affamés qu'aux bêtes de somme. Ouvrir des routes à travers les jungles et se servir de chariots n'aurait qu'un avantage provisoire. Il n'y faut pas songer. Cela demanderait un déboursé considérable, beaucoup de patience et un labeur incessant. À peine est-il défriché que le sol, tant cette terre est féconde, se recouvre de grandes herbes de la grosseur d'une canne, et il suffirait d'une saison pour détruire ce qu'aurait fait le pionnier par des mois de travail. Ce qu'il faut en Afrique, c'est le tramway. Tous les avantages qui peuvent résulter du contact avec la civilisation arriveront par ce chemin, qui formera, entre la terre des Noirs et les pays les plus favorisés, un lien indestructible. Henry Morton Stanley, à travers le continent mystérieux, 1879. En tous les cas, dans ce contexte-là de la conférence de Berlin. Est-ce que c'est par une volonté impérialiste, une volonté expansionniste, une volonté, un colonialisme allégé, je crois, à un moment j'ai lu ça, ou en fait c'est avant tout pour permettre au commerce, enfin la circulation libre en fait, commerciale, Camille Lefebvre peut-être sur... Les choses sont effectivement plus complexes que ce qu'on pourrait avoir l'impression, mais c'est néanmoins le point de départ de l'impérialisme et d'une volonté, en tout cas, de s'implanter ou de prendre position dans le continent africain à terme, mais on ne sait pas encore sous quelle forme, et il n'est pas encore du tout clair que l'idée est de coloniser ou de prendre possession du territoire à ce moment-là. L'idée de l'appropriation de l'espace, de tous les espaces, par une logique de colonisation n'est pas encore claire pour les signataires. Je crois que c'est important de souligner qu'on est quand même à un moment de basculement entre plusieurs possibilités dans les relations entre l'Europe et le monde. La conférence de Berlin, il est vrai, a établi des principes de libre-échange hein, sur le, en promouvant la liberté du commerce, l'ouverture à toutes les nations, donc des fleuves Congo et Niger. Comme ça avait été le cas pour le Danube en Europe, par exemple, à l'issue de la conférence de Vienne en 1815. Mais bon, il y a des théoriciens de la colonisation comme Leroy Beaulieu qui, en 1874, dans son traité de la colonisation chez les peuples modernes, explique comment les principes du libre-échange peuvent se concilier avec ceux de la colonisation. Et c'est, selon lui, il ne s'agit pas d'un que les États européens investissent massivement dans ces espaces dont on ne sait pas encore bien quelle est la valeur, mais il s'agit de permettre l'ouverture du monde aux commerçants européens, la circulation des hommes, des marchandises, hein, selon les principes du libéralisme, mais l'appropriation territoriale n'en est qu'à ses balbutiements et elle n'est pas encore considérée comme ce qui doit advenir du continent africain. Il n'est pas d'emblée question de le partager. Voilà. En plus, l'appropriation territoriale n'est pas considérée comme forcément pertinente d'un point de vue économique, par exemple, où beaucoup de personnes dans l'opinion publique, notamment en France, remettent en cause l'intérêt économique qu'il pourrait y avoir à se positionner territorialement sur le continent. Le coût que représenterait la colonisation serait trop important pour que cela soit intéressant de prendre place sur le territoire. Précisons aussi, reprécisons, que la conférence de Berlin ne parlait en fait que des côtes et que petit à petit, en fait, les puissances européennes vont faire des avancées comme ça à l'intérieur du territoire, en voyant toute la nécessité évidemment de conquérir pas seulement les bords de mer et les côtes, mais pour le commerce, mais aussi l'intérieur de ce continent africain. Camille Lefebvre. L'enjeu, c'est que la conférence de Berlin fonctionne comme un accélérateur parce qu'elle ouvre à la concurrence, justement, en disant qu'à partir du moment où une présence européenne s'implante dans un endroit, elle pourra ensuite revendiquer des droits sur cette zone pour que cette zone devienne... lui appartiennent au sens, deviennent sa zone d'influence, puisque donc il n'est pas encore question forcément d'appropriation territoriale. C'est ce qu'on appelle l'interland, c'est ça, Camille Lefebvre ou... La notion d'interland, pas tout à fait. La notion d'interland, peut-être Isabelle est plus... c'est l'idée qu'à partir du moment où on a une position sur les côtes, on va avoir un certain droit sur ce qu'il y a vers l'intérieur à partir de ces côtes, sur la zone qui part de ces côtes vers l'intérieur. Donc, mais c'est une notion qui est très floue à l'époque et qui n'est pas encadrée très précisément par le droit international et qui va être comprise selon les puissances européennes d'une manière plus ou moins large et qui va être utilisée par exemple pour la France pour réclamer tout ce qui va au sud de l'Algérie jusqu'à un point qui n'a presque plus aucun rapport avec les côtes. C'est à ce moment-là que va se jouer notamment à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest une concurrence entre Français et Anglais autour des régions entre Niger et lac Tchad qui sont connues par un certain nombre d'explorations scientifiques, particulièrement par exemple la région de Sokoto, mais qui, dans lesquelles aucune de ces deux puissances, ni française ni anglaise, ne sont présentes à ce moment-là. Mais la France considère que potentiellement cette région, qui est le Niger actuel, jusqu'au Nigeria quasiment, est en quelque sorte l'interland de l'Algérie. Et donc la France veut garantir la sécurité d'un futur territoire potentiel algérien, puisqu'elle n'est même pas encore dans le sud de l'Algérie actuelle, en se mettant d'accord avec l'Angleterre sur ce point. Donc va avoir lieu en 1890 une négociation de frontières destinée à définir une zone d'influence dans un territoire dans lequel ni la France ni l'Angleterre ne sont présents, dans laquelle aucun Français ne s'est jamais rendu jusqu'à maintenant, et sur lequel on a des informations très fragmentaires. Donc dans ce cadre, les Français et les Anglais, particulièrement les Anglais, vont être, avec le peu d'informations qu'ils ont, un peu obligés de bluffer pour faire valoir leur point de vue. Et c'est notamment à ce moment-là que l'Angleterre va publier en 1890, comme c'était très courant à l'époque, hein, il faut dire que dans ces années 1884-1890, ça devient une habitude pour les puissances européennes de produire des cartes qui représentent le territoire qu'elles aimeraient posséder à l'intérieur du continent africain. Donc ça n'est pas la réalité, c'est ça? Ça n'est pas la réalité. C'est plutôt leur désir d'être. En tout cas, il n'y a pas... Voilà, c'est ça. C'est clairement des cartes qui sont des cartes du désir et qui sont même comprises comme ça par les acteurs à ce moment-là. Mais comme personne n'a une idée réelle de qu'est-ce qui se passe forcément sur le terrain, particulièrement pas les diplomates, ça fonctionne, même si tout le monde sait que ce sont des fictions et pas des réalités. Et l'Angleterre, sur cette question-là, en tout cas, est un peu en avance par rapport à la France. L'Angleterre est clairement en avance. La France, elle n'a pas justement mis en carte, en tous les cas, ses désirs territoriaux. Tout à fait. Alors la France insiste beaucoup, notamment dans son opinion publique, notamment le comité de l'Afrique française insiste beaucoup sur cette nécessité de garantir l'interland du territoire algérien au sud. Mais au moment de cette négociation de frontières en 1890, la France n'a pas produit ce type de carte. Et lors des négociations, l'Angleterre, elle, va sortir la carte que nous avons sous les yeux, qui est donc une carte de l'Afrique de l'Ouest, sauf le Nord, sauf le Maghreb, et qui représente en rose foncé les territoires occupés par l'Angleterre et en rose clair les territoires qui sont sous l'influence britannique, comme le dit la légende. Et on peut voir que ce territoire est absolument immense, prend ce qui est aujourd'hui entièrement le Nigeria, mais prend aussi par exemple une grande partie du Mali, le Burkina Faso, le Niger, quasiment jusqu'à l'Aïr, donc aujourd'hui jusqu'à Agadez. Et lors des négociations, les Anglais vont présenter cette carte et les Français qui ne sont pas du tout présents dans la région, aucun Français n'a jamais été, par exemple, dans ce qui est aujourd'hui le territoire du Niger actuel, et les Français vont être convaincus par ce discours et vont se dire, bon, si les Anglais sont présents partout comme ça, il faut bien qu'on s'y fasse. Et donc, ça va jouer dans la négociation et les Français vont aussi accepter une négociation territoriale qu'ils considèrent comme à minima. Et on va tracer une ligne qui s'appelle la ligne Sebaroua, qui va du Niger au Tchad, et qui est la limite à ce moment-là des zones d'influence. Tu as lu le papier que je t'ai donné hier soir? Quel papier? Je ne te donne pas la peine, ça n'a aucune importance, ce n'est que l'inventaire des marchandises qui nous restent. Sel 10 kilos, c'est pas beaucoup. Cartouche 74, 104. Voilà 2 ans qu'on tire. 2 ans. Et nous sommes à peine à 400 km de la côte. Nous touchons au but. Quel but? Il y a des semaines que j'essaye de faire parler Mamiaka. Il vient de me confier qu'en remontant toujours l'Ogoué, nous finirions par trouver beaucoup d'eau. Le grand lac intérieur? Sans doute. Nous devons être les premiers à l'atteindre. Une expédition avec 103 cartouches et 10 kilos de sel? Ravitaillement de tétra en panne à la côte. Marche est parti depuis 2 semaines. Il va tout ramener d'un moment à l'autre. Et s'il ne ramène rien? Isabelle Sora? Oui, je voudrais revenir un petit peu sur les principes zone d'influence, interland, etc. Le terme d'interland n'est pas présent dans l'acte général de la conférence de Berlin. C'est pas du tout selon ce principe-là que les négociations ont été mise en œuvre, même si, évidemment, les diplomates avaient ça en tête. Néanmoins, il y a 2 articles très importants dans le texte, c'est l'article 34 et l'article 35 du chapitre 6 de l'acte général de Berlin. Dans l'article 34, on précise que, dorénavant, toute puissance qui fera signer un traité de protectorat à un chef africain, un chef d'État africain, devra le notifier aux autres puissances, de manière à ce que toute contestation ultérieure soit évitée, dans le cas notamment où il s'avérerait que le même État a déjà signé avec une autre puissance. Hein. Donc il s'agit d'éviter ces conflits-là. Et là, dans l'article 35, on précise, parce que ce que disait Camille, qu'une autorité suffisante doit être présente sur les lieux revendiqués de la part de la puissance impériale pour légitimer ces réclamations lorsqu'elle affirme avoir droit à coloniser tel ou tel espace. Il faut qu'elle puisse faire preuve d'une occupation effective. Et ces deux principes vont un petit peu s'enchevêtrer et entrer en conflit dans les négociations ultérieures, les Français étant des adeptes de l'occupation effective, donc ils vont chercher à installer un poste dès qu'ils ont un poste militaire, dès qu'ils ont fait signer un traité de protectorat pour montrer qu'ils sont bien là. Ça ne les dérange pas d'aller installer des postes dans l'Interland ou dans les zones d'influence des Britanniques. Donc ils pratiquent la politique du fait accompli en quelque sorte, alors que les Britanniques sont plus attachés à cette notion d'Interland, et des débats vont avoir lieu aussi sur la qualité des traités lorsqu'il y a concurrence entre deux traités passés avec un même chef ou un même État. Il faut aussi dire que on utilise, même si c'est une forme de fiction aussi, parce que on utilise la géopolitique locale et dans les négociations en disant tel royaume nous appartient parce que nous avons des liens avec eux, nous les avons déjà visités, comme disait Isabelle, nous avons un traité avec eux. Mais ce qui est intéressant aussi, peut-être pour terminer sur ce point, ça serait de revenir sur l'idée que déjà à ce moment-là, au moment même où on réalise ce type de tracé frontalier, ceux qui le font dévalorisent leur tâche en disant que de toute façon, on ne connaît pas cette région, de toute façon, on ne sait même pas les régions dont on parle, où elles sont exactement, et de toute façon, ces tracés frontaliers ne sont que des fictions peu intéressantes. On peut notamment citer le texte de Salisbury, qui est très connu, qui l'a prononcé justement à l'issue de la négociation sur la ligne Save-Arroi, où il disait à ce moment-là, en 1890, « Nous nous sommes engagés dans ce qu'un satiriste pourrait juger comme la plus inutile des tâches, celle de dessiner des lignes sur des cartes, là où aucun être humain n'a jamais mis les pieds. Nous nous sommes répartis des montagnes, des rivières et des lacs. La seule difficulté que nous avons rencontrée était que nous ne savions jamais où étaient exactement ces montagnes, ces lacs et ces rivières. Mais quelle que soit l'incongruité superficielle de ce partage de l'inconnu, il a le mérite pratique d'éviter toute cause possible de querelle entre les membres des différentes nations. » Et en fait, ça a une fonction, le fait de vider la carte. Tout à fait, parce qu'en réalité, on sait plus ou moins où sont ces rivières, ces montagnes et ces lacs. Il y a eu toute une exploration scientifique centrée sur les questions géographiques. Donc, on connaît plus ou moins la géographie de cette région. Surtout, on ne peut pas dire qu'aucun être humain n'y a jamais mis les pieds. Il y a d'abord les populations locales, mais en plus, même des explorateurs européens l'ont visité. Donc, effectivement, c'est complètement une construction destinée à renforcer la légitimité de ce partage. À partir du moment où on dit qu'on partage un monde vide, ça donne du sens et ça autorise en quelque sorte ce partage. Et puis j'imagine que ça permet aussi aux autres puissances européennes de ne pas s'intéresser à ce territoire-là, parce que s'il est vide et qu'il n'y a rien... Tout à fait, c'est une manière aussi de dévaloriser l'importance de cette région, alors que justement, en réalité, en négociant sur cette région, la France et l'Angleterre sont un peu sortis du cadre du droit international, puisque normalement, cette région n'est pas soumise aux règles de l'article 34 et 35, et donc ne devrait, de la conférence de Berlin, et donc ne devrait pas être découpée ainsi, puisqu'il n'y a ni occupation effective, ni réalité de l'Interland justifiable d'un point de vue juridique. Mais ce qui est surtout important, c'est que on est dans une période aussi où on vide l'Afrique de sa légitimité politique pour, en quelque sorte, autoriser ce qu'on est en train de réaliser. On est dans un discours un peu d'autoréalisation. Ce qu'on fait n'a pas d'importance parce que ce qu'on partage n'a pas d'importance. Isabelle Serin. Oui, il y a une sorte de conflit aussi, une concurrence en tout cas dans les discours. Il faut à la fois tenir un discours en direction des populations nationales, métropolitaines, qui valorisent les colonies que l'on s'apprête à s'approprier, enfin, ou les espaces que l'on s'apprête à s'approprier, en disant qu'on a là un bassin très prometteur, qui a une centaine de millions d'habitants dans le delta intérieur du Niger, que le Sahara pourrait attirer des populations considérables si on construisait le transsaharien, etc. Il faut valoriser ces espaces pour obtenir des crédits pour ministère des colonies qui vient d'être créé en 1894 en France, par exemple. Hein. Mais d'autres voix s'élèvent pour des voix qui, sur le terrain, apparaissent traduire une certaine déception en disant « Les géographes nous avaient promis ici monts et merveilles et nous trouvons que le vide » ou en tout cas une population très peu dense. Donc il y a ambiguïté là. Tantôt on le décrit comme vide, tantôt comme plein. Un monde plein, un monde vide. Il y a une dialectique du plein et du vide dans le discours européen. Camille Lefebvre, vous voulez ajouter ? Effectivement, cette question de la démographie et de la présence des populations est extrêmement importante aussi dans la volonté de coloniser ou pas. Tiens, Stanley vient d'atteindre le 16e degré de longitude est sur l'équateur. 16e degré ? Mais alors sur la Lima, nous étions tout près de lui. L'hypothèse de la mer intérieure qui nous séparait s'écroule ? Tout s'éclaire ? Stanley avance avec ses méthodes habituelles. Vous savez comment les indigènes l'ont surnommé ? Bula Matari, le briseur de roches. Il fait sauter les rapides à la dynamite. Il progresse par la force et maintenant, les indigènes ont peur du blanc, de tous les blancs. Voilà pourquoi les Bafourous nous ont reçus à coups de sagaie. Nous avons échoué à deux jours du but, peut-être. Mais Stanley continue à descendre. On va tout de même pas le laisser entrer chez nous. Alors, en tout état de cause, cet établissement des frontières, cette volonté d'établir des frontières va amener les puissances européennes à organiser davantage, c'est pas nouveau, hein, mais davantage d'expéditions et d'explorations. Camille Lefebvre. En réalité, une fois qu'on a, comme pour cette région, déterminé que les zones d'influence sont françaises ou britanniques, il faut bien que les Français ou les Britanniques aillent se positionner sur le terrain. Clairement, une fois qu'on a tracé sur des cartes en Europe, il faut aller matériellement voir si la frontière est placée à un endroit logique, comment on doit la faire évoluer et donc préciser le terrain. Donc commence en fait une seconde phase d'exploration, qu'on peut dire plutôt d'expédition, puisqu'on est dans un caractère beaucoup plus militaire et avec un changement clair des objectifs de ces expéditions. Et donc, on arrive sur le terrain tout un tas d'expéditions qu'on peut déterminer comme des expéditions de conquête, souvent. Voilà. Mais qui gardent toujours le discours qu'elles sont des missions d'exploration destinées à révéler le continent africain, même si en réalité elles ont des modalités qui sont beaucoup plus militaires et des objectifs qui sont clairement du côté de l'impérialisme. Mais on avait déjà vu ça, peut-être Isabelle Serin, enfin, je pense à deux figures d'explorateurs hein, que vous avez traitées, qui sont Stanley et puis Brazza. Stanley, c'est la question du Congo, et puis donc Léopold II va évidemment l'attirer à lui parce que ses découvertes l'intéressent. Et puis Brazza, lui, à travers une autre démarche, en tous les cas, que celle de Stanley. Oui, alors il est facile de les opposer. En même temps, ils sont tous les deux représentants de ce tournant, ce moment où l'exploration de scientifiques devient militaire et liée à des enjeux clairement politiques. Alors, ils ont la particularité, l'un comme l'autre, d'avoir été relativement indépendants au départ de tout État, puisque bon, Stanley avait des liens avec la presse et était envoyé comme grand reporter après avoir découvert, entre guillemets, Livingstone sur les bords du lac Tanganyika. Il découvre l'intérieur du Congo et il va se laisser approcher par Léopold II, qui effectivement était paradoxalement le roi des Belges, roi d'un peuple qui ne voulait pas de colonie, alors que lui avait l'ambition de se tailler un empire dans l'intérieur de l'Afrique. Et Stanley a été envoyé par Léopold pour faire signer toute une série de traités de protectorat dans cette région. Alors Brazza, lui aussi, s'est envoyé tout seul. Il était indépendant des volontés de la France lorsqu'il a signé ce fameux traité, dit traité Makoko, avec le roi des Batéké. Traité dont il n'a pas d'ailleurs tout de suite informé les autorités militaires, ses supérieurs hiérarchiques. Il a profité à son retour en France d'un mouvement d'enthousiasme public. Il a aussi mobilisé ses réseaux auprès des milieux colonialistes français pour imposer au gouvernement français la ratification de ce traité que la France n'avait pas demandé. Ensuite, effectivement, les les Français ont eu beau jeu de faire de Brazza un explorateur pacifique, mais c'est en partie un mythe hein, construit. On a souligné qu'il avait fait signer ces traités-là sans verser une goutte de sang et donner à la France une nouvelle colonie, donc ce qui va être le Congo français, dit aujourd'hui Congo-Brazzaville, alors que Stanley était épinglé par la presse internationale et par la Société de géographie de Londres, par exemple, pour ses exactions, ses actes de brutalité lors de ses expéditions, ce qui était vrai aussi. Mais les Français vont utiliser de manière presque outrancière l'opposition entre les deux hommes en disant que la France peut admirer Stanley comme explorateur, mais qu'il s'agit d'un boucher, et que Brazza, au contraire, est bien à l'image du peuple français qui progresse pacifiquement, hein, sans verser une goutte de sang, ce qui est évidemment une fiction. Camille Lefebvre. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'encore une fois, on est prisonnier aussi de discours qui sont construits à l'époque, puisque ces expéditions militaires avec des objectifs de conquête, elles se réclament très clairement dans les ouvrages qu'elles produisent de cette exploration scientifique en disant « nous sommes des explorateurs pacifiques, nous sommes les fils de Barthes, de Clapperton ». Donc ils se réinscrivent eux-mêmes dans le mouvement qui les précède, alors que leur pratique et leur manière de réaliser ces explorations ne sont pas du tout les mêmes et les en différencient clairement. Certains sont moins ambigus, tous ceux qui participent par exemple du côté français à la poussée vers l'est à partir du Sénégal et dans la région Sénégal-Niger ne se disent pas explorateurs, ils se considèrent comme à la frontière, sur le front pionnier, là c'est la notion de frontière américaine dont ils se réclament, hein, d'une progression continue dont ils non seulement perçoivent les enjeux impérialistes mais qu'ils contribuent à infléchir dans cette direction-là. Ils sont là pour augmenter, sans savoir bien jusqu'où, hein, le territoire de la France. Hein, donc ils sont dans un espace ouvert à toutes les possibilités d'expansion, et ils le disent clairement. Je lui demandais s'il connaissait le Niger. Mais certainement, il venait justement de Tombouctou. Tout seul ? Non, avec ma famille et mes troupeaux. Alors tu as suivi les bords du fleuve en poussant tes bœufs ? Non, nous étions en bateau, bêtes et gens. Il y a donc des bateaux assez grands pour cela ? Oh, il y en a qui tiendraient 100 taureaux. Mais où t'es-tu arrêté en descendant ? À Badjibo ? Mais Badjibo est sur la rive gauche. Oui ? Alors tu as traversé la rive ensuite. Il y a donc un bac ? Je crois bien, un grand bac à vapeur. Décidément, je tombais mal en me dirigeant sur Badjibo. Arrivé en explorateur et pour en prendre possession en un point du fleuve où il y a déjà un bac à vapeur, c'était joué de guignon. Autant faire le lever topographique des bords du bassin des Tuileries. Ces Anglais allaient-ils se moquer de nous en nous voyant arriver moitié morts de fatigue et de fièvre en une région où ils entretiennent des steamers en permanence ? Pas une seule fois, je ne pris en défaut mon donneur de renseignements. Bien que tout ce qu'il me raconta fût fait pour me plonger dans la consternation, je dus reconnaître que jamais personne ne m'avait éclairé avec tant de précision. Et je lui fis un beau cadeau. En note. Si le lecteur ne prend pas la peine de lire ce qui suivra, qu'il lui suffise de savoir, premièrement, qu'aucun vapeur n'est encore allé de Tombouctou à Badjibo. Deuxièmement, qu'il n'en viendra aucun avant longtemps, du moins pour faire des transports de commerce et de bestiaux. Troisièmement, qu'il n'y a pas de bac à vapeur sur le Niger, ni à Badjibo, ni ailleurs. À part ces détails, le petit Peul me dit encore quantité de choses aussi fausses et aussi bien inventées pour me mettre la cervelle à l'envers. Comment en douter ? Dahomey, Niger, Touareg, 1897. Donc on est en 1894-1895 et on est toujours dans ce contexte de concurrence entre Français et Britanniques. Et donc en réalité, les Français essayent de se placer dans cette région du Niger, enfin qui se trouve entre Niger et lac Tchad. Et particulièrement, ils partent de leur position sur la côte dahoméenne et ils cherchent à voir jusqu'où pourrait aller l'interland dahoméen, comme ils disent à cette époque-là. Et pour cela, ils doivent identifiés et ils doivent aller dans des régions où ne seraient pas présents les Anglais. Donc la mission Touté, qui est vraiment une expédition de conquête dans ces méthodes, remonte ce qui est aujourd'hui le Bénin. Et l'objectif est donc d'aller faire le lien entre le Dahomey et Tombouctou, ce qui est toujours l'objectif de la France, c'est-à-dire créer un territoire qui serait contigu territorialement. Donc pour ça, il remonte ce qui est le Bénin d'aujourd'hui, et en interrogeant les populations sur où sont les Anglais et sur est-ce qu'il y a déjà des Anglais présents sur le fleuve, comme les Britanniques le prétendent et comme les Britanniques l'ont représenté sur la carte où ils ont marqué qu'ils étaient présents quasiment jusqu'à Saï. L'idée, c'était de montrer aussi que ces expéditions de conquête ne sont pas du tout en terrain conquis. Malgré qu'elles soient militarisées, elles sont dans une situation de dépendance à l'égard des populations locales pour les informations qu'elles recherchent, mais aussi pour savoir où, comment se déplacer et où. Et notamment, ils sont tout le temps en train d'interroger les gens pour essayer de savoir ce qui les attend. Et ils interrogent, par exemple, les populations sur où sont les Anglais, populations qui, elles aussi, peuvent jouer et peuvent leur dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais qui servent à défendre leurs propres intérêts. Alors, on en vient justement, peut-être avec vous, Isabelle Serin, à la question des traités. Alors, bon, il faut voir en même temps qu'il y a toute une histoire des traités en Afrique, qui sont d'abord des traités de commerce au départ, dans les années 1830-40. Beaucoup de traités ont été signés sur les côtes. Donc ça prenait le relais de toute cette politique de comptoir qui avait été celle de l'Ancien Régime. Donc des traités qui étaient des accords bipartites sur un pied d'égalité. Et puis, progressivement, on en vient aux traités de protectorat. Alors, il est vrai que les chefs d'État africains n'ont pas forcément saisi la différence qui donnait une nouvelle valeur à cet acte. Il ne faudrait pas non plus caricaturer, imaginer qu'on a affaire à des chefs africains qui ne comprennent rien du tout à ce qu'ils signent. Voilà. Beaucoup comprenaient bien qu'il y avait un enjeu à voir arriver des Européens. Pour un chef d'État africain, au départ, lorsqu'il y avait plusieurs acteurs européens en présence, il pouvait faire monter un peu les enchères, il avait le choix, il pouvait s'adresser à l'un ou à l'autre. Il s'adressait aussi au plus puissant localement, à celui qui pouvait sembler protégé efficacement contre des voisins, contre des incursions d'États voisins. Hein. Donc il y a tout un jeu à contextualiser finement à chaque fois, pour chaque traité. Alors là, on a l'exemple du traité Borgou. Sur le Borgou, oui. Qui est l'actuel nord du Bénin, hein, pour situer un petit peu. Alors on va peut-être la resituer sur la fameuse carte de Stanford. Oui. Alors, c'est l'un de ces traités, le premier du point de vue français, a été signé par le commandant Decoeur, qui a été envoyé par le gouverneur de ce qu'on appelait à l'époque Dahomey et Dépendance, hein, avec l'idée donc d'étendre ces possessions du Dahomey, envoyé pour signer le plus de traités possibles sur le Niger ou les régions riveraines du Niger dans l'arrière-pays dahoméen. Et alors ce Decoeur arrive le 25 novembre 1894 à Niki, qui est la capitale du Borgou, et découvre qu'il a été précédé de quelques jours par le garde, Frédéric le garde, l'émissaire britannique. Et alors il va essayer de signer quand même un traité dont on a tous les éléments classiques. Le roi du Borgou place sous le protectorat exclusif de la France, tant le en roi son du nom Borgou qu'au nom de ses successeurs, son royaume limité ainsi France, qu'il suit, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs, son royaume limité ainsi qu'il suit. Au nord par le Gando et le Gourma, à l'est par le cours du Niger, au sud par le Yoruba et le Dahomey, à l'ouest par le bassin de la Volta. Le roi du Borgou s'engage à donner les concessions de terrain nécessaires à l'établissement des postes, stations, routes, voies ferrées et lignes télégraphiques que le gouvernement français jugera utile d'établir dans son royaume. Alors, l'une des clauses intéressantes est la suivante. Le présent traité, qui aura pour effet immédiat, ne deviendra définitif qu'après avoir été ratifié par le président de la République française. Fait triple à Niki le 26 novembre 1894. Il y a vraiment là l'idée d'aménager à l'avenir le territoire. Oui. Oui. Donc le roi là s'engage à accepter une présence française qui puisse être militaire, mais aussi en termes d'aménagement du territoire. Et les lignes télégraphiques, ça c'est quelque chose de très important pour les Français à cette époque-là, parce que ça garantit les relations entre les différentes colonies et avec la métropole, évidemment. Là, sur ce traité, on a juste un signe du roi qui est une croix. Une croix, voilà. Alors, cette histoire de la croix, c'est pas, on ne trouve pas forcément ça dans tous les traités. Les traités signés sur la côte sont souvent signés par les rois en écriture latine. Certains de ces rois, comme le roi Denis, par exemple, au Gabon, ont un prénom européen. Dans les endroits où il y avait une présence française plus ancienne sur la côte, la maîtrise de l'écriture peut exister. Et dans les traités suivants, on peut voir intervenir aussi pour le Borgou des signatures qui sont en arabe. Hein. Là, par exemple. Voilà, ici, on a un marabout du roi qui signe, ainsi que la première femme du roi. C'est un phénomène assez exceptionnel qu'on a donc sur le traité suivant. Mais Camille voulait faire un commentaire, ouais, je pense, sur les traités. Je voulais préciser que dans certaines régions, particulièrement notamment ce qui est le Nigeria et le Niger aujourd'hui, on est dans des régions islamisées depuis le 9e siècle et on a des pratiques diplomatiques en arabe qui existent depuis le Moyen-Âge. Donc quand les Européens arrivent avec l'idée de signer un traité avec eux, les souverains locaux connaissent très bien ce type de pratique et ils parlent la même langue, c'est-à-dire qu'eux aussi ont une habitude de la diplomatie. Ce qui différencie, c'est certainement le sens qu'ils donnent à cette signature et à ce qu'il y a dedans. Il faut préciser que, par exemple, dans les traités qui sont signés par Monteil, ce que demande Monteil, c'est un traité d'amitié, dans lequel il n'est pas précisé qu'il y a une appropriation territoriale. Alors, ce qui est intéressant, c'est de penser que les Français arrivent et proposent au roi un traité dans lequel on leur demande leur amitié et on ne leur demande ni troupeaux, ni esclaves, ni part de la récolte, ce qui était normalement ce qu'on donnait en termes de tribus. Donc, forcément, pour le souverain local, ça paraît extrêmement intéressant puisqu'on ne lui demande pas ce qui va coûter pour lui, c'est-à-dire de devoir donner une partie de sa récolte ou un certain nombre d'esclaves. Donc il y voit tout à fait son intérêt. Quelqu'un qui a l'air puissant, qui a l'air de maîtriser des techniques militaires importantes, lui propose un accord et un traité d'amitié qu'il va pouvoir ensuite utiliser par rapport à d'autres souverains. Donc il ne peut y voir que son intérêt. Rappelons aussi une dernière chose, que dans cette région, il n'y a pas d'appropriation du sol. La propriété unique et définitive du sol n'existe pas. Donc, quand bien même il y aurait parlé d'appropriation territoriale, ça n'aurait pas eu de sens parce que la possession de la terre n'existe pas. Donc, Isabelle Serin, vous vouliez terminer donc, sur ces traités, cette série de traités sur justement le Borgou, parce que, enfin, vous allez nous résumer ça. Il raconte en fait une histoire. Enfin, cette série, elle raconte une histoire. De Coeur étant arrivé 5 jours après les Anglais, il s'est d'ailleurs fait limoger, renvoyé en France parce que un peu trop systématiquement arrivé après les Anglais, voire après les Allemands. Mais dans le cas du Borgou, qui était quand même un endroit stratégique pour contrôler la navigation sur le Niger, le gouverneur du Dahomey s'est déplacé en personne quelques mois plus tard, en janvier 1895, pour aller essayer de confirmer le traité signé par De Coeur et s'assurer que le roi savait bien ce qu'il faisait en signant ce traité-là. Et puis, le roi se nomme nous, Siré Tourou, roi du Borgou, sur la foi du serment, en présence de nos chefs de village et notables du royaume assemblés à cet effet, déclarant solennellement. Donc là, on voit que le roi a l'occasion, en quelque sorte, de reprendre l'initiative pour dire « c'est bien moi et je me nomme ainsi », ce qui n'était pas le cas dans le premier traité. Et puis, surtout, il dit qu'il n'a pris aucun engagement avec une puissance européenne autre que la France et que si jamais un traité a été signé avec les émissaires de la Compagnie du Niger venus à Niki au mois de novembre, c'est un malentendu. attendu et ce doit être certainement la suite d'intrigues entre les musulmans de Niki, donc les commerçants ou les conseillers du roi, et les agents de la dite compagnie. Suit une attestation des interprètes. Et puis, alors, le plus comique, c'est le dernier acte de cette série où on voit une déclaration de Victor Ballot, gouverneur du Dahomey, qui dit s'être rendu le lendemain de cette réitération du traité sur la convocation du roi de Niki dans sa demeure particulière. Et il cite la déclaration du roi. Bon, je vais résumer le contenu. En gros, le roi explique que oui, il y a bien eu un acte signé avec les Anglais, mais qu'il n'y est pour rien et que l'un de ses conseillers, Eliman Abdoulaye, lui a avoué avoir été à l'instigation de toute cette affaire, mais que ça ne peut pas être lui qui a signé. Donc toute cette série nous montre que la région était fortement disputée, mais elle nous montre aussi qu'il y avait possibilité pour les chefs d'État ou rois locaux de retrouver une certaine forme d'initiative et de dire « voilà comment je m'appelle, je suis l'autorité légitime de ce royaume ». Voilà. Nous nous penchons maintenant, avec Isabelle Serin et Camille Lefebvre, sur une carte éditée par la Compagnie commerciale et agricole de la Casamance, qui raconte encore l'histoire d'une appropriation projetée du territoire, et plus exactement, une appropriation économique de l'espace. Cette fois-ci, Brosselard Féderbe, qui est le gendre de Féderbe. Donc un capitaine, un militaire, hein, comme on l'a absolument. Dit. Absolument. Brosselard est commandité par une compagnie qui va être une des premières compagnies concessionnaires concédées par la France, compagnie commerciale et agricole. Et cette carte est en grande partie une fiction, notamment au niveau des toponymes. Il y indique une zone de colonisation ici entre Ziguinchor et un petit peu à l'est de Ziguinchor. Donc au bord du fleuve. Hein, au bord du fleuve Casamance. Mais il va beaucoup plus loin. Il intitule Brosselardville, un petit établissement proche de Ziguinchor. Rotteville, ici. On trouve Cousinville, Fourtouville. Et qui sont ses cousins, Fourtou, etc., Crépiville aussi, eh bien, ce sont en réalité les principaux contributeurs de cette compagnie commerciale, les principaux actionnaires, si vous voulez. Donc il s'agit de les honorer en les plaçant sur le terrain sur où carte. Ils n'ont jamais été, hein, eux-mêmes, mais où ils sont nommés, comme s'ils allaient y avoir un établissement à titre personnel. En réalité, cette compagnie va assez vite avoir des difficultés financières et ne sera jamais occuper toute cette zone de colonisation agricole telle qu'elle est définie sur la carte de Brosselard. Mais on voit là aussi cet acteur, Brosselard Féderbe, donc gendre de Féderbe, mettre à profit sa connaissance du terrain liée à une mission tout à fait officielle de délimitation de frontières pour ensuite se livrer à une opération privée, cautionnée quand même par Étienne, son secrétaire d'État aux colonies, qui avait accepté d'attribuer à cette compagnie une concession. Et on voit quand même un militaire prendre des intérêts privés dans cette compagnie et l'exposer sur un travail cartographique. Le roi Makoko, chef des Batékés, ayant concédé son territoire à la France, à laquelle il fait cession de ses droits héréditaires de suprématie, et désirant, en signe de cette cession, arborer les couleurs de la France, je lui ai remis un pavillon français, et par le présent document, fait en double et revêtu de son signe et de ma signature, donné acte des mesures qu'il a prises à mon égard, en me considérant comme le représentant du gouvernement français. Guinan, no win, mila. Le discours du partage de l'Afrique, l'idée que l'Europe partage l'Afrique, est construit au moment même où commence ce partage, avant même qu'il soit effectif. Et donc, dès la décennie 1880, sont publiés en Belgique, en France et en Angleterre des ouvrages faisant le récit de ce qu'ils appellent déjà le partage de l'Afrique. Isabelle Serin, sur... Il faudrait se rappeler ce qu'on a dit au début sur le caractère un peu fictif des cartes, et notamment des aplats de couleurs rose ou rouge, Rouge qui vise à montrer les appropriations coloniales par telle ou telle puissance européenne, qui pourrait nous laisser imaginer qu'il y a là une appropriation homogène, au plus fort même de la période coloniale dans l'entre-deux-guerres. On diffusait ces cartes dans les écoles et partout. Or, en réalité, cette appropriation coloniale, même une fois réalisée, était un peu un gruyère. Hein. Il y avait des trous, il y a des espaces qui ont été beaucoup moins administrés que d'autres, où on pouvait ne pas rencontrer d'administrateurs blancs. Mais il faudrait éviter d'être victime des discours, nous-mêmes en tant qu'historiens, des discours de l'époque, et d'imaginer cette colonisation comme un rouleau compresseur. Il n'est pas question évidemment de nier la réalité d'une domination, ses outils, ses instruments, ses enjeux, mais en même temps éviter de ne pas la surinterpréter. Voilà. Par exemple, rappelons qu'il y a certaines régions comme le Niger ou le Tchad qui ne sont réellement occupées et maîtrisées par la France que dans les années 1920, voire pour certaines parties du Tchad, 1930. Alors que depuis longtemps, quasiment depuis 1900, ces territoires sont représentés fictivement en rose entièrement sur la carte, comme des zones françaises conquises et maîtrisées. La carte comme discours idéologique, ce qu'elle a toujours été plus ou moins, hein, oui, selon les époques. Mais elle est particulièrement dans le cas colonial. Oui, voire comme fiction. Mais pour terminer, moi, j'aurais tendance aussi à, pour souligner les relations entre géographie, conquête, à rappeler d'abord que la conquête a connu des modalités très très différentes selon les espaces, qu'il ne s'agit pas partout d'une conquête sanglante. Et pour retourner sans doute le titre bien connu d'un ouvrage d'Yves Lacoste qui disait « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre », je dirais « La guerre, ça sert aussi à faire la géographie ». Merci à toutes les deux. Un grand merci à Camille Lefebvre et Isabelle Serin. Merci également au département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, dirigée par Jean-Yves Sarrazin. Lecture, Emmanuel Lemire. Et des extraits du film de Léon Poirier, Brazza ou l'épopée du Congo, sorti sur les écrans en 1939. Participation technique, Manon Houssin. Mixage, Philippe Palares. Une émission proposée par Séverine Yatar, réalisée par Véronique Samouilov. Nous continuons demain notre semaine consacrée au partage du monde à l'occasion du 65e anniversaire de la conférence de Yalta. Et d'ailleurs, c'est de Yalta dont nous parlerons demain, de Yalta et de la vision qu'on a pu en avoir depuis cette date, donc depuis 1945. Et nous allons donc discuter de cela toute l'émission de demain. Jeudi, nous débattrons des G6, G7, G8 ou G20, c'est-à-dire du nouveau partage du monde issu de la fin de la guerre froide. Si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à fabrique@radiofrance.com. Vous pouvez également participer au groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Également, allez sur le site fabriquedesens.net, fabriquedesens.net, un site sur lequel Tao Saïd Slimane scripte certaines de nos émissions, et une des dernières émissions scriptées est celle que nous avions consacrée dans l'histoire de l'archéologie à André Leroy Gourhan. Donc demain, je vous le rappelle, Yalta dans la Fabrique de l'Histoire.